Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Nous avons la joie de commencer une nouvelle semaine avec notre Dieu. Je vais dire à quelqu'un, cette semaine, c'est une semaine où le Seigneur veut te visiter de manière spéciale. Il faut saisir la grâce de Dieu, ne sois pas distrait. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Réveille-toi, réveille ta famille, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous allons prier, nous sommes à OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 30. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Lisons le psaume 30, cantique pour la dédicace de la maison de David. Je t'exalte, Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrive les pleurs et le matin l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as saint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Amen. Il y a trois vérités que je vais partager avec vous, chers amis de OSB. Première vérité, apprenons à rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. David rend grâce à Dieu pour trois choses qu'il a faites. Premièrement, Dieu l'a relevé et n'a pas voulu que ses ennemis se réjouissent à son sujet. C'est au verset 2. Il arrive très souvent que nos ennemis se réjouissent lorsqu'ils apprennent que nous sommes malades, lorsqu'ils apprennent que nous avons perdu notre emploi, lorsqu'ils apprennent que nous vivons des difficultés relationnelles ou financières dans notre famille. Ils se réjouissent. C'est pourquoi David fait cette prière, Seigneur, tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent. Il dit merci au Seigneur. Il dit ensuite, Dieu a écouté sa prière en les guérissant. Verset 3. Il dit, Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as fait revivre. Tu m'as guéri. C'est Dieu qui guérit. Parfois, tu peux aller consulter les médecins. Les médecins peuvent te soigner, mais la guérison, c'est celui qui s'appelle Yahvé Rapha qui guérit. D'autres personnes, telles que le roi Ézéchias, ont prié Dieu pour qu'il les guérisse de leur maladie et ils ont été exaucés. Lorsque vous lisez Ésaïe 38, 1 à 5, vous allez voir comment Dieu a guéri Ézéchias. Il a pleuré devant Dieu et Dieu a changé d'avis en lui ajoutant encore plusieurs nombres d'années. Troisième élément, David rend grâce à Dieu parce qu'il l'a délivré de la mort. Verset 4, il dit, Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Ceci suppose que David souffrait soit d'une maladie très grave, soit qu'il vivait dans l'adversité au point où ses ennemis voulaient le tuer. Dans un cas comme dans un autre, il a expérimenté la délivrance divine. Quand le Seigneur t'a délivré, quand le Seigneur t'a guéri, tu dois revenir pour lui rendre grâce, lui dire merci. Deuxième vérité que nous révèle ce psaume, notre témoignage peux inciter les autres à louer l'Éternel. Je parle à quelqu'un. Chaque fois que ton pasteur dit, tu vas témoigner, tu vas dire ce que Dieu a fait pour toi, tu dis, non, je ne peux pas témoigner. Non, ce n'est pas bon. Ton témoignage est non seulement un signe de remerciement à Dieu, mais ton témoignage peut édifier quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre qui vit un problème peut-être similaire au tien, ou quelqu'un qui vit un problème plus grave. En écoutant ton témoignage, il peut venir louer le Seigneur. Quelqu'un qui vit dans le désespoir, en écoutant ton témoignage, il peut rendre gloire à Dieu. Après avoir rendu grâce à Dieu pour ses bienfaits, David recommande le peuple de Dieu à le louer et à célébrer par ses louanges sa sainteté. Verset 5. La raison pour laquelle nous devons le louer, c'est une dualité. Il y a une dualité. Colère, grâce, pleurs, allégresse. Commençons d'abord par colère, grâce. Ça veut dire quoi? Sa colère dure un instant, mais sa grâce dure toute la vie. Vous voyez, il peut nous châtier lorsque nous lui désobéissons. Mais lorsque nous revenons à lui, il nous accueille de nouveau et nous accorde sa grâce abondante. Paul pouvait dire, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Romains 5, verset 20. Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui les haïssent. Mais il fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui l'aiment et ceux qui gardent ce commandement. Exode 20, 5 à 6. Souvent, les gens mettent l'accent sur la malédiction. Dieu punit la désobéissance. Quand les parents font l'idolâtrie, ils pratiquent l'occultisme, la sorcellerie. Ils punissent l'iniquité des pères jusqu'au fils, jusqu'à la troisième, quatrième génération. C'est vrai. Mais les gens oublient l'autre chose, c'est quoi? Il dit maintenant, il bénit, il fait miséricorde jusqu'à 1000 générations. Ça veut dire quoi? Même si tu es né dans une famille où les gens pratiquaient l'idolâtrie, le mysticisme, dans la mesure où toi maintenant, tu t'es converti, tu as donné ta vie à Jésus, ce cycle peut s'arrêter à partir de toi maintenant, ta descendance, jusqu'à 1000 générations, parce que tu t'es repenti, tu as donné ta vie à Christ, Dieu peut faire miséricorde maintenant à toi, jusqu'à ta descendance, jusqu'à 1000 générations. C'est pourquoi tu dois apprendre à lui dire merci. Il y a aussi la dualité pleure-allégresse. David voit que Dieu peut permettre dans nos vies des moments de pleurs. Mais il te fait passer de pleurs en allégresse. Il faut que tu passes par un matin. Le matin, c'est le moment de réjouissance. C'est pourquoi David dit au verset 12, « Tu as changé mes lamentations en allégresse. » Jésus-Christ lui-même a connu un soir. Le soir désigne des moments de pleurs, des moments de lamentation, des moments où tu pleures. Je vais parler à une dame. Peut-être que tu vis un soir dans ta vie, un soir où tu pleures, tu te poses beaucoup de questions. Laisse-moi te dire, le Seigneur va te faire passer du soir au matin. Parce que celui que nous adorons, Jésus, s'appelle l'étoile brillante du matin. Jésus lui-même, quand il a connu la mort sur la croix, il a connu un soir. Mais il n'est pas resté dans le tombeau. Jésus est sorti du tombeau. Le troisième jour, il est ressuscité. Quand le matin est arrivé, Dieu a prévu sa résurrection. Et je vais dire à quelqu'un, il y a un matin où le Seigneur va te faire ressusciter. Il va faire revivre tout ce qui est mort dans ta vie. Ton foyer qui est brisé, le Seigneur est capable de restaurer. Il y a un matin, il va te faire passer du soir en allégresse, de pleurs en allégresse, du soir au matin. Troisième vérité, Dieu nous confond souvent lorsque nous sommes arrogants. Quand tu es arrogant, tu te frappes la poitrine, tu dis « moi je suis, moi je peux ». Dieu va te confondre, mon ami. Il confond souvent les arrogants. C'est ce que David a pu comprendre ici. David disait « je ne chancellerai jamais » au verset 5. Plusieurs personnes font des déclarations semblables à celles-ci. « Je ne serai jamais pauvre, moi. Je ne tomberai jamais malade, moi. Je ne serai jamais hospitalisé. Je ne souhaiterai jamais. » Vous voyez, quand quelqu'un fait une telle déclaration, si c'est à cause de sa foi, on peut comprendre. Mais il y a ceux qui font de telles déclarations tout simplement à cause de leur orgueil. Ils ne s'appuient pas sur le Seigneur, c'est sur leur orgueil. Quand c'est comme ça, Dieu risque de te confondre. Ces affirmations ne résultent pas toujours de leur foi en Dieu. Elles cachent plutôt l'arrogance et l'orgueil. Babylone, la grande ville, disait dans son orgueil, « Moi, et rien que moi, je ne serai jamais veuve, je ne serai jamais privé d'enfant. » Selon Ésaïe 47, 8 à 10. Mais Dieu l'a confondu en annonçant sa chute prochaine. Babylone fut vaincue par les Perses. David constata que Dieu lui avait caché sa face pour le ramener à la raison. C'est pourquoi il dit, tu cachas ta face et je fus troublé. Il passa de l'arrogance à l'humilité qui les poussa à chercher la face de Dieu en recourant à la supplication. Au verset 11, il dit, « Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. » C'est alors que Dieu est intervenu dans sa vie en les délivrant de ses difficultés. Il finit les psaumes par une note de joie en disant à Dieu, « Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. » Lorsque notre orgueil est brisé, nous comprenons que sans Dieu, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien. Nous comptons sur lui et nous le glorifions pour tout ce qu'il fait pour nous. Toute notre vie devient une vie de louange. Nous pouvons conclure en disant avec David, « Je te louerai toujours. Que le nom du Seigneur soit béni. » Nous allons le louer. Chantons ces cantiques. gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Élève ta voix, mon ami. Élève ta voix, ma sœur. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à penser à tous ses bienfaits. Élève ta voix là où tu es. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sous la brèche. C'est votre serviteur révérend Dieudonné Ngoumbi. Nous encourageons tous ceux qui suivent OSB par WhatsApp à partager avec des amis. Pour ceux qui ne peuvent plus capter la radio par notre application, je voudrais vous dire que ces derniers temps, nous avons quelques difficultés. Vous pouvez télécharger une autre application qu'on appelle VoxM. V en majuscule. O en minuscule, X minuscule, M en majuscule, Vox M. Vous téléchargez et puis vous cherchez Radio Fréquence Vie. Vous pouvez nous suivre mais en direct. Vous pouvez aussi aller sur la plateforme TuneIn. TuneIn, c'est cette plateforme où on peut trouver plusieurs radios. Et quand vous allez voir les radios de l'Afrique de l'Ouest, vous allez retrouver Fréquence Vie et vous pouvez nous capter. Aujourd'hui, nous prions selon le psaume 30. Nous allons prier le Seigneur. Nous venons de voir que lorsque nous vivons des moments difficiles, nous devons crier à Dieu et lui demander d'intervenir afin que nos ennemis ne se réjouissent pas à notre sujet. Tu vas prier. Peut-être que c'est ton cas. Il y a des gens qui commencent à dire, ce bien, il n'a plus d'emploi, il n'a plus d'argent, il n'a plus de maison, ses enfants ont échoué. Tu vas dire, Seigneur, interviens dans ma vie afin que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Prions le Seigneur. Bénissons ton nom ce matin, notre Dieu, notre Père, parce que nous pouvons toujours compter sur toi. Avec toi, notre Dieu, nous sommes en sécurité, quelles que soient les épreuves, quelles que soient tout ce que nous pouvons traverser. Mais notre Dieu, notre Père, les gens se réjouissent toujours du mal, du malheur, de toutes les difficultés qui arrivent à tes enfants. Ils sont contents, ils se réjouissent. Mais Seigneur, nous te prions, toi, le Dieu des signes, le Dieu des miracles, le Dieu des prodiges, le Dieu qui agit sans pouvoir tenir compte de ce que nous faisons. Mais tu as toujours agi parce que tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu de miséricorde, tu es un Dieu de compassion, tu es un Dieu de justice, de toute faveur. Merci Seigneur, nous t'appelons au secours afin que tu agisses dans notre vie. Pour que nos ennemis ne se réjouissent pas de notre situation. Si nous ne sommes pas mariés, si on a été renvoyé du travail, si on n'a pas d'enfants, si notre ministère ne progresse pas, il y a des blocages, il y a des non-accomplissements, il y a des épreuves, il y a le désert. Mais notre Dieu, tu agis toujours. Tu n'as jamais cessé d'agir. Tu as décidé de nous bénir et personne ne peut annuler ce que tu as décidé de faire dans notre vie. Tu agis toujours. Nos mains sont levées vers toi. Nos regards sont tournés vers toi. Agis pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus, amen. Amen. Nous allons prier pour que Dieu guérisse nos maladies et celles de nos proches. Souvenons-nous qu'il s'appelle Yahvé Rapha, le Dieu qui guérit toute maladie. Prie le Seigneur, saisis la guérison mon frère, saisis la guérison ma sœur. Prions le Seigneur. Nous élevons ton nom ce matin encore parce que tu es Dieu et tu guéris encore nos maladies. Tu t'appelles Jéhovah Rapha. Tu es le Dieu qui guérit et tu n'as point changé. Tu opères toujours des miracles, des signes et des prodiges. Quelle que soit la maladie, quelle que soit la durée de la maladie dans le corps de quelqu'un, dans l'âme et dans l'esprit, tu es capable de dire un mot afin que cette maladie soit détruite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que tu envoyas ta parole et ta parole est guérie. Merci parce que par tes maîtres sûrs, nous sommes guéris. Merci parce que par ta parole, merci parce que par ton sang et par ton pouvoir, et tu es encore capable de guérir quelqu'un. Et ce matin, nous déclarons donc, quel que soit là où le mal est posté, nous déclarons ce mal vaincu au nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant que ma sœur pose sa main là où elle a mal, cette maladie s'arrête au nom de Jésus-Christ. Cette douleur de bas-ventre s'arrête au nom de Jésus-Christ. Cette douleur d'enfantement s'arrête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quels que soient les maux, quels que soient les troubles, quelles que soient les inquiétudes de cette femme, cela prend fin au son de cette voix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous libérons ces hommes malades. Nous détruisons la maladie dans le corps par l'onction du Saint-Esprit. Et nous relâchons la vie. Au nom de Jésus-Christ, ce matin, la guérison s'opère. La guérison s'installe. La guérison de Dieu dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. Quelqu'un crie aux Hosanna au plus haut des cieux. Parce qu'il a reçu son miracle, il a reçu la vie, il a reçu les signes au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Merci Seigneur pour ce témoignage au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour que Dieu change nos pleurs en allégresse et sa colère en grâce. Peut-être que jusque-là, tu as pleuré parce que tu n'as pas de mari, tu as pleuré parce que tu n'as pas de femme, tu as pleuré parce que tu as été licencié abusivement, tu as pleuré parce que le médecin t'a dit que tu ne peux pas guérir. Tu vas dire, Seigneur, fais-moi passer du soir au matin. Fais-moi passer du deuil en allégresse. Prions le Seigneur avec confiance au nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu, parce que ta parole ne retourne jamais à toi sans avoir accompli ta volonté. Béni sois-tu parce que tu as décidé de nous bénir. Et personne ne peut empêcher ce que tu as décidé de faire dans notre vie. Tu n'es pas un Dieu, notre Père, qui réfléchit comme un homme. Tu n'es pas un Dieu qui change de décision, mais ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Selon le verset 6 de ce psaume numéro 30, tu dis, notre Dieu, notre Père, ta colère dure un instant, mais ta grâce toute la vie. Le soir arrive les pleurs, le matin, l'allégresse. Seigneur, change notre situation en joie, notre Dieu. Tu es le Dieu qui fait fleurir le désert, qui fraye un chemin dans le désert. C'est toi qui fends la mer. C'est toi, notre Dieu, qui fait reculer le Jourdain. Tu as aplani les montagnes, des rochers, des montagnes. Tu as fait sortir l'eau pour faire boire tes enfants dans le désert. Tu es le même que nous adorons. Tu es le même que nous louons. Tu es le même que nous célébrons. Tu es le même que nous adorons. Voici notre situation. Nous comptons sur toi. Nos mains sont levées vers toi. Notre âme est levée vers toi. Notre vie t'appartient. Décide, fais quelque chose. Notre Dieu, transforme, change. Visite-nous, notre Dieu, notre Père. Nous nous attendons en toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Demain, nous comptons vous retrouver à la même heure et à la même chaîne. C'était OSB. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.